Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur By Night FM, la radio que tu aimes. Ce soir, j'ai à mes côtés KRE, du groupe ATF, qui vient nous présenter son morceau sur Toxic Sound Volume 1. Sans plus attendre, les présentations. Nous, c'est ATF. Tu connais Nerwan, je représente Nerwané, je prends des airs de pilotage pour pouvoir décoller et décalquer. Ma vie, ses aléas sur un bout de papier, un brin de positivité pour faire coulisser tout ça. Ma famille, mes saucer le rap, parle-moi même pas de ces soirées en boîte, bidon. Je mettrai à battre, ramener des chats en carton, je préfère les soirées. Garton, bolide sur parking, faut que les basses cognent. Pendant que je prépare ton carton, déclare la veuve de Kingston. Ce mix nous a mis stone, c'est la patate. Guetta et shit, c'est la hayat. Le sourire sur nos lèvres est rare, mais on est plié en quatre, car ton est sur un coup de tête, on part voir du pays, c'est la fête, on sera de retour une fois la scène ici. Oh là là. Attends, tu nous parles des femmes, de la beuh, mais c'est des clichés du rap français ça, c'est du déjà vu, du déjà dit. Ton rap, il sort du cœur ou il veut faire grossir la tirelire? Hein? Ramène ta tête, petit con. Moi je fais ça, c'est pour le son, pas pour les sous. Pas pour ces bouffons qui nous saoulent. Donneur de leçons, tant OP quand il s'agit de donner son boule. Putain de maladie, je viens qu'après avoir semé la zizanie. Ces 6 années, gravé dans l'esprit, pensée emprisonnée. J'ai juste les yeux à fermer pour enfin voyager sans billet en première classe. Jaloux, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Fallait tomber dans la fosse, petit, venir de l'espace, forger une carapace d'ovni. Ah, ça c'est pas facile, pour ça faut être habile. La différence en France pousse les frères à l'asile, débile. Non, fragile, faut pas le dire, mais certainement. Dieu merci, je sais faire la part des choses. Je vais peut-être me planter, mais au moins j'ose. D'accord, d'accord. T'as débarqué dans les studios, tu nous as fait ton morceau, première fois qu'on est sur les ondes. Et en plus, tu m'as mis une claque. Ton morceau, c'est un brin de positivité. Mais la positivité, tu peux me dire où elle est? Attends, j'y arrive. Sache que le radeau de certains depuis un bout de temps part à la dérive. Eh ouais, je fais du zèle. Mon but, vous faire pousser des ailes avec mes propos. Qu'une impro redonne le sourire à un de mes poteaux. Tu sais, on se contente de si peu. Pensez aux autres avant toi-même. Paiera d'ici peu. Dissiper mes bosseurs, indisciplinés. Je finirai brosseur alors que je voulais brasser comme un big brother. Et ouais, comme un big brother, faire fructifier mon fric, plus pointer aux ascétiques, affoler les statistiques en criant suck my dick. C'est mon délire, t'aimes pas, c'est pareil. T'as pris une photo de moi, je pète ton appareil. Rien ne m'intéresse chez toi, à part ton oseille. Pour dormir sur mes deux oreilles, faudrait que les tiennes soient coupées. Je crois que c'est l'heure d'aller se coucher. Bon, ce morceau c'était Positive Attitude, sur By Night FM, la radio que tu aimes. Bon, KRE, je te dis pas au revoir, hein, tu comprendras pourquoi. Ah ouais, tu prends comme ça. Eh ben allez,